Deutéronome chapitre 4. Et maintenant Israël, écoute ces statuts et ces droits que je t'enseigne, pour les faire afin que vous viviez, et que vous entriez au pays, que l'Éternel le Dieu de vos pères vous donne, et que vous le possédiez. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en diminuerez rien, afin de garder les commandements de l'Éternel, votre Dieu, lesquels je vous commande de garder. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à cause de Baal-Péor, car l'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tout homme, qui était allé après Baal-Péor. Mais vous qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Regardez, je vous ai enseigné les statuts et les droits, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays dans lequel vous allez entrer pour le posséder. Vous les garderez donc et les ferez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence devant tous les peuples, qui entendant ces statuts, diront, cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. Car quelle est la nation si grande, qui ait ses dieux près de soi, comme nous avons l'Éternel notre Dieu en tout ce pourquoi nous l'invoquons? Et quelle est la nation si grande, qui ait des statuts et des ordonnances justes, comme est toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? Seulement prends garde à toi, et garde soigneusement ton âme, afin que tu n'oublies point les choses que tes yeux ont vues, et afin que de tous les jours de ta vie elles ne sortent de ton cœur, mais que tu les enseignes à tes enfants, et aux enfants de tes enfants. Le jour que tu te tins devant l'Éternel ton Dieu en Horeb, après que l'Éternel m'eut dit, assemble le peuple, afin que je leur fasse entendre mes paroles, lesquelles ils apprendront pour me craindre, tout le temps qu'ils seront vivants sur la terre, et pour les enseigner à leurs enfants, et que vous vous approchâtes, et vous tînes sous la montagne. Or la montagne était tout en feu jusqu'au milieu du ciel, et il y avait des ténèbres, une nuée, et une obscurité. Et que l'Éternel vous parla du milieu du feu, vous entendiez bien une voix qui parlait, mais vous ne voyez aucune ressemblance, vous entendiez seulement la voix. Et il vous fit entendre son alliance, laquelle il vous commanda d'observer, savoir les 10 paroles qu'il écrivit dans 2 tables de pierre. L'Éternel me commanda aussi en ce temps-là de vous enseigner les statuts et les droits, afin que vous les fassiez au pays dans lequel vous allez passer pour le posséder. Vous prendrez donc bien garde à vos âmes, car vous n'avez vu aucune ressemblance au jour, que l'Éternel votre Dieu vous parla en Horeb du milieu du feu, de peur que vous ne vous corrompiez, et que vous ne vous fassiez quelque image taillée, ou quelque représentation ayant la forme d'un mâle ou d'une femelle, ou l'effigie d'aucune bête qui soit en la terre, ou l'effigie d'aucun oiseau ayant des ailes, qui vole par les cieux, ou l'effigie d'aucun reptile qui rampe sur la terre, ou l'effigie d'aucun poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre. De peur aussi qu'élevant tes yeux vers les cieux, et qu'ayant vu le soleil, la lune, et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant elles, et que tu ne les serves, vu que l'Éternel ton Dieu les a donnés en partage à tous les peuples qui sont sous tous les cieux. Et l'Éternel vous a pris, et vous a tiré hors d'Égypte, hors du fourneau de fer, afin que vous lui soyez un peuple héréditaire, comme il paraît aujourd'hui. Or l'Éternel a été irrité contre moi, à cause de vos paroles, et il a juré que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point en ce bon pays, que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Et de fait je m'en vais mourir en ce pays-ci sans que je passe le Jourdain, mais vous l'allez passer, et vous posséderez ce bon pays-là. Donnez-vous de garde que vous n'oubliez l'alliance de l'Éternel votre Dieu, laquelle il a traité avec vous, et que vous ne vous fassiez quelque image taillée, ou la ressemblance de quelque chose que ce soit, selon que l'Éternel votre Dieu vous l'a défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu consumant, c'est le Dieu fort, qui est jaloux. Quand tu auras engendré des enfants, et que tu auras eu des enfants de tes enfants, et que tu seras habitué dès longtemps au pays, si alors vous vous corrompez, et que vous fassiez quelque image taillée, ou la ressemblance de quelque chose que ce soit, et si vous faites ce qui déplaît à l'Éternel votre Dieu, afin de l'irriter, j'appelle aujourd'hui à témoin, les cieux et la terre contre vous, que certainement vous périrez aussitôt dans ce pays pour lequel possédez vous allez passer le Jourdain, et vous n'y prolongerez point vos jours, mais vous serez entièrement détruits. et l'Éternel vous dispersera entre les peuples, et il ne restera de vous qu'un petit nombre parmi les nations, chez lesquelles l'Éternel vous fera emmener. Et vous serez là asservis à des dieux qui sont des œuvres de main d'homme, du bois, et de la pierre, qui ne voient ni n'entendent, qui ne mangent point, et ne flairent point. Mais tu chercheras de là l'Éternel ton Dieu, et tu le trouveras, parce que tu l'auras cherché de tout ton cœur, et de toute ton âme. Quand tu seras dans l'angoisse, et que toutes ces choses te seront arrivées, alors, au dernier temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, et tu obéiras à sa voix. Parce que l'Éternel ton Dieu est le Dieu fort, et miséricordieux, il ne t'abandonnera point, il ne te détruira point, et il n'oubliera point l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Car informe-toi des premiers temps, qui ont été avant toi, depuis le jour que Dieu a créé l'homme sur la terre, et depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout, s'il a jamais été rien fait de semblable à cette grande chose, et s'il a été jamais rien entendu de semblable savoir, qu'un peuple ait entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qu'il soit demeuré en vie. Ou que Dieu ait fait une telle épreuve, que de venir prendre à soi une nation du milieu d'une autre nation, par des épreuves, des signes et des miracles, par des batailles, et à main forte, et à bras étendus, et par des choses grandes et terribles, selon tout ce que l'Éternel, notre Dieu a fait pour vous en Égypte, vous le voyant. Ce qui t'a été montré, afin que tu connusses que l'Éternel est celui qui est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Il t'a fait entendre sa voix des cieux pour t'instruire, et il t'a montré son grand feu en la terre, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Et parce qu'il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux, et t'a retiré d'Égypte devant sa face, par sa grande puissance. Pour chasser de devant toi des nations plus grandes et plus robustes que toi, pour t'introduire en leur pays, et pour te le donner en héritage, comme il paraît aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui, et rappelle dans ton cœur, que l'Éternel est celui qui est Dieu dans les cieux, et sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Garde donc ces statuts et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu prospères, toi, et tes enfants après toi, et que tu prolonges tes jours sur la terre que le Seigneur, ton Dieu te donne pour toujours. Alors Moïse sépara trois villes au-deçà du Jourdain vers le soleil levant, afin que le meurtrier qui aurait tué son prochain par mégarde, et sans l'avoir haï auparavant, s'y retirât, et que fuyant en l'une de ces villes-là, il eut sa vie sauf savoir, Bethsé au désert, en la contrée du plat pays, dans la portion des Rubénites, Ramoth en Galaa, dans la portion des Gadites, et Golan en Basan, dans celle de ceux de Manassé. Or c'est ici la loi que Moïse proposa aux enfants d'Israël, les témoignages, les statuts, et les droits que Moïse exposa aux enfants d'Israël, après qu'ils furent sortis d'Égypte, au-deçà du Jourdain, en la vallée, qui est vis-à-vis de Beth-Péor, au pays de Sihon, roi des Amoréens, qui demeurait en Hesbon, lequel Moïse et les enfants d'Israël avaient battu après être sortis d'Égypte. Et ils possédèrent son pays avec le pays d'Og, roi de Basan, de roi des Amoréens qui était au-deçà du Jourdain, vers le soleil levant. Depuis Aroé, qui est sur le bord du torrent d'Arnon, jusqu'à la montagne de Sion, qui est Hermon. Et toute la campagne au-deçà du Jourdain vers l'Orient, jusqu'à la mer de la campagne, sous Asdod de Pisgah.